Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. Ça bouge pas mal du côté des étoiles de notre galaxie. Les mouvements de plus de 320 000 étoiles, mesurés par le télescope européen Gaïa, révèlent que le nombre d'étoiles qui vont s'approcher près du Soleil dans le futur, à moins de 7 années-lumière, est de l'ordre de 90 tous les millions d'années, avec pour les plus forts rapprochements de potentiels effets de déstabilisation du nuage d'Oort et d'éventuelles pluies de comètes s'abattant sur le système solaire interne. Du fait du mouvement du Soleil dans la galaxie et du mouvement des autres étoiles, qui n'ont pas toutes les mêmes vitesses ni même les mêmes directions, des rapprochements sont inévitables et ont déjà eu lieu dans le passé. Pour qu'une étoile commence à produire un effet gravitationnel sur le nuage d'Oort, le grand réservoir de noyaux cométaires entourant le système solaire, il faut qu'elle s'approche à 400 000 unités astronomiques, environ 6,5 années-lumière, sachant que le nuage d'Oort s'étend, lui, jusqu'à environ 100 000 unités astronomiques. Rappelons que Neptune se trouve à 30 unités astronomiques du Soleil. La compréhension des mouvements passés et futurs des étoiles de notre galaxie est un des objectifs de Gaïa, qui est en train d'enregistrer des centaines de millions de positions et de vitesses dans sa mission qui doit durer 5 ans. 14 mois après le début de la mission, le premier catalogue comportant plus de 2 millions d'étoiles a été récemment publié. L'astronome britannique Corinne Baylor-Jones, qui travaille aujourd'hui à Heidelberg en Allemagne, au Max Planck Institute für Astronomie, a travaillé avec les données de ce premier catalogue, ainsi que sur des archives d'autres inventaires d'étoiles, de Hipparchos notamment. Il parvient ainsi à tracer les vitesses relatives de 320 000 étoiles par rapport au Soleil, à la fois dans le passé et dans le futur. Parmi toutes ces étoiles, Baylor-Jones en trouve 97 qui vont passer à moins de 5 parsecs, soit 16 années-lumière. Et parmi elles, 16 vont s'approcher du système solaire à moins de 2 parsecs du Soleil, soit 6,5 années-lumière. L'étoile, connue depuis assez longtemps, qui remporte la palme du rapprochement le plus spectaculaire, s'appelle Gliese 710. Une étoile naine de type G qui a une masse de 60% de celle du Soleil. Corinne Baylor-Jones réévalue la distance minimale de Gliese 710 et il la trouve plus faible que les valeurs précédemment déterminées, à peine 16 000 unités astronomiques, soit bien à l'intérieur du nuage d'Oort. Ce passage rapproché aura lieu dans 1,3 million d'années. Inutile de préciser qu'à cette époque lointaine, Gliese 710 deviendra l'étoile la plus brillante dans le ciel visible depuis la Terre. Sa vitesse à proximité du Soleil sera relativement lente, presque 14 km par seconde. Cette vitesse plutôt faible implique qu'elle pourrait produire plus facilement une influence gravitationnelle sur les petits corps du nuage d'Oort. Corinne Baylor-Jones agrémente son article qu'il publie dans Astronomy and Astrophysics du calcul du taux attendu de tels rapprochements sur une durée de 10 millions d'années. Le chiffre qu'il obtient est impressionnant puisqu'il y aurait, en moyenne, 545 visites par million d'années à une distance inférieure à 5 parsecs, et dont 87, toujours par million d'années, qui passeraient à moins de 2 parsecs, soit 400 000 unités astronomiques, et parmi celles-ci, une vingtaine à moins de 1 parsec. Cela revient à environ un passage proche tous les 50 000 ans environ. Bien sûr, on ne peut pas du tout prévoir à l'avance quels pourraient être les effets de ces passages d'étoiles sur la stabilité du nuage de noyaux cométaires, et si des pluies de comètes s'abattront effectivement vers les régions internes du système solaire. Mais c'est un phénomène probable dont on connaît les mécanismes. Les astronomes attendent maintenant avec impatience la prochaine publication de données de Gaïa en avril prochain, qui devrait comporter 20 fois plus d'étoiles que la première livraison, avec des étoiles toujours plus lointaines, de quoi grandement affiner toutes ses estimations. L'article de Corinne Baylor-Jones est paru, ou va paraître, car il est sous presse, dans Astronomy and Astrophysics. Il a pour titre « The Completeness Corrected Rate of Stellar Encounters with the Sun from the First Gaia Data Release ». Et je mets le lien en bas de ce billet sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut !